Il est 13h moins 5 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les grands titres. Un policier s'est donné la mort ce vendredi après avoir tué sa concubine Arugazi dans la province d'Obubanza. Un enfant qui était au dos de sa mère a été blessé au niveau des pieds. Le dialogue entre le gouvernement du Burundi et l'Office du Haut-Commissariat des droits de l'homme est à un niveau avancé pour la reprise des activités. Le PASEM, Parole, Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, félicite les ministères de l'Éducation et de la Santé publique pour leurs mesures de fermeture des structures de santé et des écoles qui travaillent hors normes. Bienvenue dans ce journal. Au micro, c'est Pascal Nyamunze. À la mise en onde, c'est Eric Ouimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le dialogue entre le gouvernement du Burundi et l'Office du Haut-Commissariat des droits de l'homme est à un niveau avancé pour que l'Office rouvre ses activités qui avaient été suspendues. Le conseiller principal à la présidence, chargé de la communication, qui le dit, considère qu'une convention est nécessaire à ce sujet. Oulinya Mitué précise que ces organisations peuvent perturber la sécurité pour se pérenniser sur un territoire. Suivez Oulinya Mitué, traduit par Alain Désiré Boukayenèze. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijeje gukurikirana iby'agateka kazi na muntu icyo twita ngaha office. Le bureau de l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été suspendu. Il se déroule pour le moment le dialogue pour que ce bureau rouvre ses activités après une entente effective. Il y a ce que vous devez savoir. Vous savez dans combien de pays où l'on retrouve ce bureau? Ce bureau est implanté dans 3 pays africains. Il s'agit de l'Ouganda, du Guinée et du Burundi. Par là, dans la plupart des fois, cela est à l'origine de l'imprudence de certaines institutions, puisque certaines personnes ont besoin de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'au Burundi, les droits de l'homme sont violés d'une manière ou d'une autre. Certains agents des institutions ont changé ce bureau en un bureau indépendant, et cela soit parce qu'ils ont été induits en erreur, soit parce qu'ils se sont trompés eux-mêmes, ou soit même qu'ils l'ont fait sciemment. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir une convention entre le gouvernement et ce bureau pour que ces agents suivent leur agenda. Nous avons une commission nationale des droits de l'homme. Nous avons même le ministère chargé des droits de l'homme. Auparavant, les agents de ce bureau du Haut-Commissariat travaillaient comme assistants techniques, mais pour le moment, ils sont impliqués dans le monitoring. C'est pour cette raison que certains essaient de créer de l'emploi. Ils montrent toujours que la situation sécuritaire est critique. Ils perturbent même la sécurité pour que leurs activités puissent continuer. Si nous sommes des patriotes, nous devons le savoir. Mais qu'à cela ne tienne, le dialogue est à un niveau satisfaisant pour arriver à une convention. Certes, il est incompréhensible que ce bureau puisse rester ici en tant que monitoring alors qu'il devrait travailler comme une assistance technique. Vingt-neuf Burundais ont été accueillis ce vendredi en commune Gisuru de la province Ruyigi en provenance de la Tanzanie. Parmi les 29, 12 ont été refoulés de ce pays et 17 autres sont des Burundais qui rentrent volontairement des camps des réfugiés. Ils ont été accueillis par l'administration communale soutenue par la police et la Croix-Rouge Burundi pour appui financier, indique le porte-parole de la police nationale. Les préparatifs pour l'accueil des Burundais en exil dans différents pays vont bon train. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur précise que les travaux de construction d'un centre d'accueil à Mabanda, en province Makamba, vont bientôt se terminer. Terence Nairaja indique également qu'une convention des commissions tripartites composée des membres des pays d'origine, pays d'accueil et l'OHCR a déjà été signée. Il fait savoir que certains réfugiés sont déjà de retour. Suivez-le. Les préparatifs au rapatriement vont donc bon train. J'aimerais vous dire que depuis janvier jusqu'à maintenant, le ministre de l'Intérieur a déjà effectué deux voyages à l'étranger. Au mois de février 2017, il s'est rendu en Ouganda et a rencontré également les Burundais qui sont là afin qu'ils puissent rentrer. Et d'ailleurs, après son retour, nous avons déjà quelques Burundais qui sont rentrés. Le deuxième voyage s'est fait en Tanzanie pour voir son homologue tanzanien afin de pouvoir échanger sur le rapatriement de M. le Burundais. J'aimerais vous informer que le numéro 1 et le numéro 2 du HCR Burundais ont effectué au mois de mars 2017 deux voyages, l'un en Tanzanie et l'autre en Ouganda. Le représentant du HCR Burundi s'est rendu au Rwanda pour rencontrer le HCR Rwandais et les réfugiés afin de pouvoir échanger sur le processus de rapatriement. Son adjoint, il s'est rendu en Tanzanie. Tous ces voyages donc, se sont centrés sur les préparatifs de la mise en application des commissions tripartites qui existent déjà parce qu'il y a une convention qui a été signée et des commissions sur la tripartite qui sont composées par le pays d'asile, le pays d'origine et le HCR. Ce qui est facile maintenant pour les Burundais qui ont quitté le Burundi en 2015, il y a une décision que le chef de l'État a prise. Le chef de l'État a décidé qu'aucun Burundais n'a le droit de s'approprier ni de la propriété foncière, ni de la maison d'un Burundais qui a quitté le pays. Parce que on avait déjà eu une leçon avec les années antérieures où, quand il y avait des Burundais qui quittaient le pays, il y a d'autres qui s'accaparaient des propriétés, d'où la raison d'être de la CNTB qui aujourd'hui n'a pas encore terminé à liquider ces conflits fonciers. Mais pour l'actualité, ce n'est pas difficile. Les maisons sont là, les propriétés sont là. Même tous ceux qui trouveraient que leurs maisons ne sont pas en bon état, le ministère de l'Intérieur s'est déjà préparé pour pouvoir aider ces gens à aller au couturier, les tôles et autres matériels afin de les aider pour qu'ils puissent être réintégrés dans la société burundaise comme les autres. Et l'Union européenne a débloqué cette semaine une enveloppe de 47 millions d'euros pour financer les activités humanitaires dans la région des Grands Lacs et les autres pays situés dans les régions du sud du continent africain et ceux de l'océan Indien. Sur les 47 millions d'euros, la région des Grands Lacs se taille la part du Lyon, 32 millions. Les pays concernés dans cette région sont le Burundi, la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page sécurité, deux personnes sont mortes ce vendredi sur la colline Rutshe en commune Rugazi dans la province de Bubanza. L'une des victimes est une femme qui a été tuée par son concubin, un policier qui s'est par la suite donné la mort après avoir commis ce forfait. Un enfant qui était au dos de sa mère a été touché par balle et il est pour le moment sous des soins médicaux. Spes Kabanyana pour les détails. Selon le témoin sur place sur la colline Rutshe en commune Rugazi, cette femme avec deux enfants s'était rendue dans cette localité pour voir le père de ses enfants, comme elle le disait. Et c'est un policier du nom de Ndayisenga Antoine qui était basé sur la position de la zone Rutshe. Arrivé sur place, le couple a échangé quelques minutes et il paraissait ne pas s'entendre, comme le disent les témoins sur place. Par après, le couple s'est dirigé au marché et a pu partager un verre, même si le climat paraissait non apaisant. C'est vers 14h que la femme a pris le chemin de retour vers Bujumbura. Le policier l'a accompagné et lui a même interdit de prendre une moto, étant donné que l'un des enfants était déjà fatigué de la marche. Arrivé dans la vallée de Nyakadawe, c'est entre Rutshe et Rugazi, le policier s'est tourné contre sa concubine et il a tiré à bout portant sur elle 19 balles et l'ont mise à terre, comme le racontent les gens qui étaient proches du lieu du drame. Ndayisenga Antoine s'est évadé par après. Il s'est caché dans une brousse, mais toute la localité a été ceinturée par les forces de l'ordre et la population. Ne trouvant pas comment s'en sortir, il a tourné le fusil contre lui-même et s'est donné la mort. Les deux corps sans vie ont été évacués ce vendredi soir vers la morgue de l'hôpital général de Manda. L'enfant qui était au dos de la femme est tenté d'être soigné. Il a été touché par les balles au niveau des pieds. C'est Caritas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Et dans la page éducation, 5 étudiants de l'Université du Burundi ont été transférés à la prison centrale de Mimba après leur interrogatoire au parquet de la République en commune Mouha. Ces étudiants venaient de passer environ 2 semaines en garde à vue au service national de renseignement. Ils sont poursuivis pour rébellion. Un autre étudiant a été ce vendredi pour la même infraction et pour le moment au cachot du service national de renseignement. L'ex-directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza ainsi que l'agronome communal de Manda sont derrière les verrous depuis ce jeudi. Jean-Paul Barutwanayo et Nimaye Philippe sont poursuivis pour une affaire de détournement d'engrais chimiques. Ils ont été arrêtés par la police ce jeudi et conduits dans la prison centrale de Mimba. La PARSEM se dit satisfaite par les mesures de fermeture des structures de santé et les mises en garde à l'endroit des écoles qui ne remplissaient pas les conditions exigées pour une formation de qualité. Ces mesures ont été prises par le ministère en charge de l'enseignement et de la santé publique. Faustin Dikoumana, président du PARSEM, demande néanmoins que cela soit fait avec objectivité et délicatesse afin de ne pas ouvrir une brèche à la corruption. Suivez-le. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction. Nous avons apprécié positivement ces mesures qui ont été prises. D'abord, on avait eu l'occasion de s'exprimer par rapport à ces mesures au moment où la ministre de l'Éducation avait pris des mesures dans le sens de sanctionner les directeurs d'école ou des DPE qui avaient mal organisé le fameux redéploiement des enseignants. On avait eu l'occasion de l'encourager, de lui adresser nos vives félicitations. Mais aujourd'hui, il y a trois conseils qu'on donne. Quand de telles mesures sont en train d'être prises, il faut aussi une prudence. D'abord, il faut que ces mesures aillent dans le sens de changer le comportement des gens. Il ne faut pas que ce soit des mesures ostentatoires, des mesures qui sont prises d'une manière ponctuelle. Il faut que ces mesures rentrent dans un sens global de changement de comportement dans ces secteurs aussi sensibles que l'éducation et la santé. Deux, il ne faut pas aussi que les mesures soient prises pour que les gens qui ont subi ces sanctions aient encore une fois la latitude d'aller se justifier moyennant des donations quelconques pour réouvrir les institutions ou les écoles. Ça ouvre la porte à la corruption. Ça veut dire des mesures contraignantes de l'administration pour que cette administration ouvre le boulevard, la porte à la corruption qui serait appliquée et à ces gens qui sont en train de subir ces mesures. Troisièmement, il faut que ces mesures, quand elles sont prises, le soient pour tout le monde. Très récemment, on avait vu comment, quand telles mesures sont prises, si elles sont heurtées à une institution ou une école appartenant à un dignitaire, directement ou indirectement, ou à sa relation, sa femme ou quoi, les gens reculaient. Au lieu de prendre ces mesures, ils reculaient. Alors nous devons observer pour voir que si ces mesures sont prises, le sont pour tout le monde. Et alors, aussi, il faut qu'il n'y ait pas de mesures arbitraires aussi. Et il faut un processus de vérification pour que les gens ne s'insinuent à travers des vengeances ou de quoi pour prendre des mesures arbitraires en rencontre des gens qui possèdent ces institutions. Mais dans l'ensemble, nous interpellons la conscience citoyenne, surtout nous les organes de la société civile, d'être vigilants, de suivre, d'observer comment ce processus est en train d'être mis en application pour voir que réellement ça aboutit à un changement de comportement dans un sens global. Mais au niveau général, nous souhaitons ces mesures et surtout qu'elles sont prises par des ministres de sexe féminin. Ça montre que la femme est capable de réformer, de prendre des responsabilités, des fois réussir là où les hommes n'ont pas réussi. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir écouté. Au revoir et bon week-end. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu se demande si le dialogue d'Arusha serait dans l'impasse. Il revient sur la correspondance du facilitateur Benjamin Mkapa demandant au président burundais l'immunité provisoire pour certaines personnes accusées de différentes infractions, surtout la tentative de coup d'État de 2015. Le numéro 1 burundais a réagi en signifiant qu'une telle mesure ne peut être prise et est en contradiction avec la Constitution. Et dans une interview avec Wolfram Vetter de l'Union européenne, la même question de refus de l'immunité à ces personnes a été posée. Nous soutenons l'effort de la facilitation de Benjamin Mkapa, dit-il, et j'estime qu'il fallait suivre sa proposition pour une sortie de crise. Sinon, on risque de rester dans l'impasse. Quant aux personnes qui doivent intervenir ou pas au dialogue, poursuit-il, il faut vraiment faire la part des choses. Il y a d'un côté des gens qui ont pris les armes, il est clair là qu'ils n'ont pas de place à la table de négociation. En revanche, il y a ceux qui étaient en faveur d'un changement ou contre un troisième mandat. Ils doivent être représentés d'une manière ou d'une autre. Que faudrait-il attendre du sommet des chefs d'État de l'EAC ? C'est là une interrogation que se pose l'agence en ligne NetPresse. La question est dans tous les esprits de ceux qui ont suivi l'évolution nonchalante des pourparlers d'Arusha. L'agence dit avoir appris que le sommet des chefs d'État de la sous-région est fixé au 10 mai prochain à Arusha en Tanzanie. Mais depuis que le Burundi est plongé dans une crise politico-sécuritaire, voici bientôt 2 ans, écrit-elle, le dialogue inter-burundais, sous la facilitation de Benjamin Mkapa, est toujours au point mort. Ce qui est nouveau dans ce rendez-vous, selon encore l'agence, c'est que le Burundi, via le conseiller principal à la présidence chargé de la communication, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, a confirmé qu'il participera au sommet des chefs d'État. Toutefois, il n'a pas précisé si c'est le président Nkurunziza qui se présentera lui-même ou s'il va envoyer une délégation. Revue de la presse. La ministre de l'Éducation se démarque de ses prédécesseurs, écrit le journal La Voix de l'enseignant. C'est très rare actuellement qu'une autorité du gouvernement démet massivement les hauts cadres de son parti politique. Pourtant, la ministre Geneviève Ndirahisha l'a osé à la satisfaction de l'opinion publique. Elle a commencé par ses propres collaborateurs avant de remercier les directeurs communaux et ceux des établissements scolaires qui ont torpillé le travail du redéploiement des enseignants en donnant de faux rapports. C'est aussi pour la première fois, renchérit le journal, que les écoles privées qui affichent des résultats médiocres sont mises en demeure. Pourtant, la question était connue depuis plusieurs années et les différents ministres qui se sont succédés ont gardé un silence complice. Les parents et les enseignants demandent à la ministre de continuer sur cet élan pour assainir le secteur de l'éducation gangréné par plusieurs maux. L'agence burundaise de presse revient sur la déclaration de l'Union européenne condamnant tout appel à la violence sexuelle. L'organisation a en effet appris avec une vive préoccupation que lors d'une marche de la jeunesse du parti CNDD-FDD à Nega, en province de Kirundo, des chants ont appelé de manière répétée à mettre enceinte les femmes et filles qui ne sont pas de leur camp afin qu'elles donnent naissance à de futurs Imbonerakure. La violence sexuelle, quel qu'en soit l'auteur, poursuit la BP, qui reprend la déclaration, est inacceptable. Elle constitue l'une des formes les plus odieuses de violation des droits de l'homme et un crime contre l'intégrité des femmes et filles. La rivière Narangwa menace les infrastructures environnantes dans la capitale Bujumbura. Le journal Burundi Echo parle ici de danger. Elle balaye tout sur son passage. Des infrastructures, tant publiques que privées, sont menacées. Certaines classes des écoles se trouvant dans son voisinage se sont déjà effondrées. Certaines routes ont été déjà détruites à certains endroits. De plus, la plupart des maisons construites tout près des bords de cette rivière se sont effondrées ou sont sur le point de l'être. Pour éviter le pire, certains propriétaires des maisons ont déjà déménagé. Ces derniers demandent au gouvernement d'intervenir dans l'immédiat. Burundi Echo parle également du marché de Kotebu. Son éloignement du centre-ville le pénalise. 3 ans après l'inauguration de ce marché, la situation reste statique. Les commerçants ferment leurs stands, d'autres tombent en faillite. Des fois, à l'intérieur du marché, on voit des commerçants qui somnolent ou simplement qui dorment suite au manque de clients. La position excentrée de ce marché est l'une des raisons de la non-affluence des clients, estime notre confrère. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léonce Vitalio. Excellent week-end chez vous, à la prochaine. Revue de la presse.